Herriotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etik 9:00 arte, Antxeta irratian. Luxu eta maitasun hotxak, bonsoir a tous! Ça commence très bien, on a déjà Miseva qui va nous faire un solo sur la chanson de Monica Navarro. C'est dommage que vous n'avez pas les images en fait. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue donc dans Luchu et Tamaitashun Ochak spécial Noël. On va évidemment parler Noël, parler un petit peu sapin, guirlande, boule, hein, toutes ces choses-là un petit peu qui ornent les sapins. Et ce soir, pour nous accompagner, la divine, la refaite, la siliconée, bref, la plus naturelle des travelottes, Miss Eva. Bonsoir. Bravo. Un mec du temps à agir. Il n'arrête pas de crier haut et fort dans la rue depuis quelques jours la phrase suivante, à la Saint-Thomas, mange-moi la chistora, je vous présente Mickaël. Oh. Bonjour. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Ah Mickaël, tu l'avais pas vu venir celle-là quand même. Non, du tout, j'attendais pas ça. Mais moi je l'ai senti venir parce que ça sent la chistor là depuis un petit moment, hein. N'est-ce pas ? Il est l'homme de pouvoir de la soirée, il est le président de Gaytou. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Rocheanne. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Oui, très bien. On s'est pas vu depuis la dernière émission d'il y a à peu près 3 mois, je crois. Oui, oui. Oui, c'est ça. Il a la barbe qui a poussé d'ailleurs depuis. Ils sont ceux qui organisent. Enfin, sont quelques-uns de ceux qui organisent les fêtes les plus démentes du Pays Basque. Nous accueillons ce soir Nicolas, Manuel et Andoni. Bravo! Merci. Bonsoir, Rabon. Alors, le micro est un petit peu éloigné de toi, mais tu peux te rapprocher de temps en temps pour le faire. Non, on va entendre ta voix, vas-y. Dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, Miseva. Bonsoir. Miseva mouille. Comme les mouettes, c'est ça? Ah! Et comme à chaque émission, ils sont de plus en plus nombreux, nous avons la joie d'applaudir celui qu'on va essayer de fidéliser au fur et à mesure de nos émissions. Ah oui? Notre seul et unique spectateur présent, Stéphane. Bravo. Ah d'accord. C'est bon? Il a un physique de présentateur radio, une voix de programme pour sourds et muets, et pourtant, c'est lui qu'on a choisi pour animer Luchu Eta Maitashun Otsak. Et en plus, il fête ses 30 ans ce soir, Chris. Cumpleaños feliz, cumpleaños suri. Sorionak sushi. Quel... 30 ans et toutes ses dents. Non. J'ai envie de dire quelle surprise. Oh. Je vous expliquerai pourquoi c'est si rigolo que Miss Eva le dise comme ça. En tout cas, merci tout le monde et merci pour les commentaires de Miss Eva. C'est très sympa d'avoir le physique d'un animateur radio ainsi que la voix d'un programme pour sourds et muets. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très sympathique, merci beaucoup. On t'entend. Et oui. D'important. Et oui, j'ai 30 ans et il paraît que c'est le plus bel âge et certains ici ne diront pas le contraire, n'est-ce pas, Rocheanne? Oui. Très rapidement, oui, c'est effectivement quand même. Bon, mais écoute, on va commencer l'émission. Mickaël a disparu du studio, je ne sais plus où il est. Il est parti faire pipi. On va passer un appel général pour récupérer Mickaël. Allez, au programme ce soir, donc les fêtes de fin d'année. Avec un programme bien chargé du côté de Gaytou, je crois, pour les fêtes de fin d'année. Il y a quand même pas mal de choses de prévues, Chistora, Noche Bira, tout ça. On en parlera après de toute façon. On parlera bien entendu des événements du 1er décembre qui ont eu lieu, notamment du côté de San Sebastian. On aura droit bien sûr au top 5 des mouettes de Miss Eva. Eh oui. Vas-y, refais-moi la mouette, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ah, oui, c'était exactement ça. Un peu enrouée la mouette, non ? Moi, je suis très inquiet de savoir où est passé Mickaël, parce que Mickaël est censé nous passer un peu de musique. Mickaël ! J'ai quoi, il a écouté parler de Chistora, il est allé manger un peu de Chistora, non ? Il est parti manger de la Chistora. Voilà, allez, alors on peut applaudir Mickaël, s'il vous plaît. Mickaël, t'as oublié de fermer ta braguette. Mickaël, j'avais extrêmement peur. Extrêmement peur parce qu'on a prévu de la musique maintenant. J'étais en train de vous entendre à la radio de l'autre côté. Ah, mais voilà, c'est effectivement. Voilà. Donc j'ai entendu ton appel. On peut quand même rappeler à tout le monde que nous sommes en direct, donc un lundi sur deux, voilà. De 20h à 21h sur Anceta Irratia 89.7. Voilà, très bien. 89.7. Merci Birgit. Très bien. Eh bien, écoute, avant de commencer donc tout ça, avant de vous donner toutes les coordonnées du studio, etc., on va se mettre directement dans l'ambiance de Noël avec Maria Carré. Ah oui. Est-ce que tu la vois bien, Maria Carré, sur ton écran ? Tu la vois ? Elle est assez imposante. En général, on la voit facilement. Est-ce que tu vois ses seins ? Est-ce que tu vois ses seins ? C'est bon, tu l'as trouvé ? Je crois, mais je suis pas sûr. Christmas. Ah d'accord. Eh bien voilà, on a trouvé Maria Carré. Joyeux Noël à tout le monde. Eta nik besti hau aprobetxatuko dut. Esaten nun aprobetxatzen nuela, esateko egunero duzutela entzungai herriotxak Antxeta Irratiaren sintonian 8:00-tik 9:00 arte. Gaur luxu eta maitasun notxak, geita lesbianen mugimenduak egiten duen saioa Antxeta Irratian bi astelenetik behin eta egunero bezala 8:00-tik 9:00 arte. Thank you. J'arrive pas à faire la note. J'arrive pas à faire le cri de Maria Carré, j'arrive pas. Eh bien, on aura voulu laisser le soin à Miss Eva de faire la fin de la chanson. Et tu nous as cassé 4 vitres et 25 tympans, c'est très agréable. Merci Miss Eva. De rien. 30 ans, putain 30 ans. Dans la communauté gay, il paraît que la crise de la quarantaine, si connue chez les hétéros, débute à 30 ans. Alors vais-je, comme les hétéros, quitter ma femme, mes enfants, divorcer et me taper des pin-ups de 20 ans? Eh bien sûr que non, puisque je suis gay. Et je ne suis ni marié, ni papa, et que pour les jeunes de 20 ans, un mec de 30 ans est impropre à la consommation. Et c'est à ce moment-là que je commence la fameuse crise psychologique des 30 ans gays. J'ai 30 ans, je ne peux pas me marier ni adopter. Pour les jeunes de 20 ans, peu importe, j'ai déjà un petit ami et je l'aime plus que tout au monde. Je précise qu'il est là avec nous hein, ce soir. Hein. C'est pour ça que... Ah non, rien. De quoi ? Bref, en gros, pas besoin d'un modèle réduit. Bref, tout le problème est que ce petit ami, je ne peux pas l'épouser ni adopter avec lui parce que je vis en France. Si j'avais fait le choix de vivre avec lui dans son pays, l'Espagne, nous serions sûrement déjà mariés et en cours d'adoption. Pas nous-mêmes en cours d'adoption, mais en train d'adopter un enfant, bien entendu. Je précise pour Miseva qui fait des têtes bizarres. Si quelqu'un nous adopte, ça sera bien aussi. Hein. Tu veux être adopté, t'as déjà des parents formidables. Oui, ce sera de une autre qui payera tout la loyer et tout ça. Ah ben tiens, ben tiens. Ça ne fera de bien que moi. Enfin, mais le problème, nous sommes en France. 2010, le pays des droits de l'homme aurait régressé au point de ne plus prendre en compte ses minorités. Régressé. Regresser les genoux. Alors, faudra apprendre à applaudir à chaque fois. Je parle pour les petits nouveaux de Gaïto qui sont là. Rochane a déjà tenté l'expérience la dernière fois. Les genoux pourris de Miss Eva. Il faut surtout faire l'effort de rire, ça lui fait énormément plaisir. Merci. Et l'applaudir. Bref, je vais tenter quelque chose. C'est un nom spontané. Je vais faire. N'est-ce pas? Je vais faire une lettre au Père Noël. Alors voilà ma lettre. Je vais vous lire la lettre que j'ai écrite au Père Noël. Petit Papa Noël, je ne t'écris pas pour te demander des jouets parce que mon ami et moi, nous en avons déjà beaucoup. On se demande lesquels. Donc pour les mauvaises langues, je ne parle pas ici de God ou autre jouet sexuel, bien entendu. Ah non. Bref, nous, dit-il pour Noël, on voudrait juste te demander de convaincre le président Sarkozy de donner aux homosexuels les mêmes droits qu'aux hétéros. On voudrait même te demander un tout petit peu plus. On aimerait donner des papiers à tous les sans-papiers homosexuels qui sont menacés d'expulsion dans leur pays homophobe. On aimerait aussi que les homophobes changent d'avis et s'aperçoivent qu'il ne faut pas avoir peur des différences. On voudrait aussi que les responsables religieux disent oui aux préservatifs, ou même mieux, que les chercheurs trouvent un traitement radical contre les MST ou même des vaccins. Bref, on voudrait un monde meilleur. Car au final, n'est-ce pas là l'esprit de Noël ? Souhaiter à son prochain le meilleur des mondes, s'entraider, alimenter une véritable solidarité. Merci petit Papa Noël. Nous verrons donc maintenant, le 25 décembre au matin, si mes vœux sont exaucés, mais en attendant, le Papa Noël m'a apporté des invités qui passent leur temps dans des actions de solidarité, à commencer par Nico Andoni et Manuel, deux des organisateurs des fêtes de Gaytou. On peut les réapprendre. On va orienter un petit peu le micro vers vous trois parce que c'est bon, on vous entend. Allez-y, dites bonjour tous les trois. Bonjour tous les trois. Bonjour à tous. Mais moi j'ai énormément de questions à vous poser. Je vais vous en parler bien entendu. En attendant, Mickaël, est-ce que tu peux nous donner quelques infos pour nous contacter? Bien sûr, ben vous pouvez appeler au 05 59 48 36 65 si vous appelez de Hendaï, de Iparralde, et vous pouvez sinon appeler au... Ou de Biriatou. Ou de Biriatou, voilà. Surtout de Biriatou. Surtout de Biriatou. Biriatou. Pour Miseva. Pour Miseva. Et sinon, si vous appelez de l'autre côté, ça serait 00 33 5 59 48 36 65. Et bien sûr, comme ça nous est arrivé en direct de la dernière émission, si vous voulez passer boire un petit verre avec nous, n'hésitez pas, par contre, à amener les verres et les boissons qui vont dedans. Ça va de soi. Donc allez, à vous trois maintenant, mes grands organisateurs des grandes fêtes de Gaytou, les fêtes les plus démentes de... Ils sont en train de se montrer du doigt les uns les autres pour savoir qui va répondre aux questions. Ils sont tous en train de rougir. On va essayer de faire chacun les uns après les autres. Alors ne vous inquiétez pas, s'il y a une question que vous ne comprenez pas, Mickaël se fera un plaisir, ou Rocheane même, ou moi-même si je peux, de traduire les questions en basque pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Donc... Pour commencer, je voudrais savoir, on parle des fêtes de Gaytou, il y en a combien, lesquelles c'est exactement, à quelle période elles ont lieu? La fête de Gaytou? Les fêtes, déjà tu me dis qu'il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Hein, on organise vraiment quatre fêtes par an. C'est la période, le 31 décembre, bien sûr. D'accord. On va parler après, je crois. Après, c'est le carnaval toujours, qu'on prépare la fête spéciale. D'accord. Après, c'est à cause du 28 juin, hein, la fête des gays et lesbiennes. Donc, ça, c'est pour la Gay Pride. Pour la Gay Pride. Pour la Gay Pride. C'était un peu le jour de mon anniversaire. Quand même. 28 juin, bon, vous retenez bien. Oui. Elle est née d'une lutte perspicace tout au long des années, n'est-ce pas? Et ensuite, donc. Alors, et la quatrième fête, c'est un tour de la Festival de Saint-Sébastien, de Donostia, de cinéma. D'accord, le Festival International du Film, oui. Voilà, c'est les quatre fêtes annuelles qu'on prépare. D'accord. Pourquoi ces fêtes-là particulièrement? Parce que ça se fête davantage côté sud du Pays Basque? Vous fêtez davantage carnaval, etc. Il y a une tradition de fêtes, non? Surtout centré, si on centre en Saint-Sébastien, dans Ostia. L'hiver, c'est plein de fêtes. Alors, le 31, il faut bien sûr célébrer. Oui, tout à fait. Après, le carnaval aussi. Voilà, les autres sont des dates très énigmatiques. Tu veux, mais là, surtout le 28 juin. Oui, le 28 juin. Et après, juin. Le festival de cinéma, c'est un événement très important aussi en Donostia. Parce que justement, vous remettez entre autres. On remet un prix au festival de Saint-Sébastien, on remet les prix Sébastien, donc on fait la fête après avec, pour célébrer les prix, oui. D'accord, très bien. Ça fait déjà, je crois, 10 ans qu'on donne les prix. Après le festival de Berlin, nous sommes les deuxièmes. Cette année vient de nous copier Venise. Oui, effectivement. Et Cannes le festival de Cannes encore. Alors je précise qu'ils ne vont pas copier. Pas le prix. C'est pas le festival qu'ils ont copié, hein. C'est le prix spécial LGBT. C'est vrai que le plus important des prix LGBT, c'est celui de Berlin qui en plus, je crois qu'il donne 5 prix. Et Saint-Sébastien, il donne notre prix. Nous, on collabore à le festival pour octroyer le prix Sébastien, et le festival de Venise a vu que ça pourrait être rentable. Elle commençait à donner un lion un peu PD, mais c'est pour les gays. PD en français, c'est pas très joli. C'est pas grave, c'est très bien. Il faut utiliser les mots tels qu'ils viennent de toute façon. Déjà, merci à vous de faire l'effort de parler en français ce soir. Je suis pas sûr qu'on puisse faire pareil de l'autre côté de la frontière. Ah. Donc, merci beaucoup. Tu disais que le festival. Je vais taper sur l'oreille, c'est bien. Non. Le festival de Cannes, toujours rien. Je crois que non. Au moins, on n'entend pas parler de ça. Il n'y a pas d'association française qui le donne. Je crois pas. Miseva, qu'est-ce que tu fais au mois de mai? Alors, écoute, justement, on m'a envoyé un mail pour aller travailler à Cannes. C'est vrai. Donc, ben voilà. Oui, donc j'ai envoyé mes coordonnées ainsi que mes tarifs. Et 20 euros la pipe, etc. Voilà, bon, par exemple. donc j'attends une réponse. Donc je vous tiendrai au courant lors de la prochaine émission. Ben, félicitations, toutes mes félicitations. Merci. Tu m'as dit, Andoni, la prochaine fête? La prochaine fête, c'est le 31 décembre. D'accord. Et la fin d'année, bien sûr, je vous invite à être présente à la fête. Ah bah écoute, nous, on va faire tout ce qu'on peut pour y venir. Bien sûr, il faut venir, hein, absolument. Tu fais quoi, Miss Eva 31? Ah, moi, je suis en spectacle à Paris. Ah bah, excusez-nous du peu, de toute façon. Excusez-nous. Quelques informations, toujours précisément. Sur ces soirées, est-ce qu'elles ont lieu dans une boîte de nuit, dans une salle de spectacle? C'est une salle à concert et à événements divers qui a de la mairie et nous les louons pour faire la fête 4 fois l'année. Et alors c'est à Guilla, au centre culturel de Guilla, et tout le monde les connaît. Si vous demandez à quelqu'un où est Jareño, tout le monde connaît. Jareño. D'accord, il faut bien retenir un petit peu le centre culturel RAL. Merci de Saint-Sébastien. Merci beaucoup. Eguia. Merci beaucoup, Miss Eva. C'est pas une boulangerie, ça, Eguia? Non. Pourquoi ce choix? Oui, vas-y, dis-moi. Il faut dire simplement que Ranin, c'est le nom de l'ancien pavillon industriel, hein, qui est devenu centre culturel le plus important de l'Université de Saint-Sébastien. Donc c'est le plus important de Saint-Sébastien. La salle, le centre culturel a une salle, le théâtre où on le fait, elle s'appelle, elle a un prénom à elle-même, c'est Gastesena. D'accord. Gastesena. Gastesena. C'est bon à savoir. C'est le nom du théâtre. C'est un théâtre qu'on peut retirer tous les sièges et faire une salle de, un peu de spectacle, de fête. Là, on fait les concerts moyens. Moyen, par exemple, Benjamin Biolay, quand il n'était pas connu en Espagne, il a joué là-bas. D'accord, Benjamin Biolay qui est dans l'actualité française actuellement, c'est très bien que tu en prennes. Oui, parce qu'après, il a joué au Kursaal. C'est pour dire. Ah, la oui, première d'accord. fois, il a joué à Gastesena, la deuxième au Kursaal. Donc, Kursaal qui est. Au moment où on disait qu'il était avec la madame Carla Bruni, mais bon. Oh mince. La pauvre dont le destin, nous le connaissons, a un petit peu évolué depuis. Non, elle reste le très pape. Légèrement, très légèrement. Il lui reste le pape, effectivement. Oui. tu disais qu'un chanteur français, donc Benjamin Biolay, entre autres, est allé se produire dans cette salle avant de se produire au Kursaal, le Kursaal qui est quand même la très grande salle de Nashir. Mais cette salle-là de Eguilla, elle doit être quand même assez importante, du coup. Oui, elle est importante, oui. Combien de personnes à chaque fois? Combien? Je crois qu'on est 500. 700 personnes. On permet jusqu'à 700. Ouais. Oui, c'est la limitation. D'accord. Donc en fait, si vous avez plus, il vous arrive fréquemment d'avoir plus de 700 personnes? Oui, oui. Ah oui, carrément. Et 700 personnes homosexuelles. Plus ou moins. On va dire qu'il y a un grand pourcentage d'homosexuels, mais il y a, et surtout les 31 à Noël, c'est, il y a un public très varié, on va dire. D'accord, pour la Noche Vieja, c'est... Voilà. Oui, c'est... Donc un appel à tous les célibataires de toute la région, de toute la région Pays Basque. Ah mais non, je ne serai pas là, donc c'est pas la peine. Rester chez vous. Est-ce que, juste quelques précisions donc, sur cette soirée, comment ça va se passer le programme de la soirée de cette année de la Noche Vieja? Comme vous voulez, l'un des trois. Je ne sais pas, Manon. Je sais pas. Je suis au bar. je sors les cocktails et puis voilà. Je vois le genre faire des choses dans la scène, je sais pas. Mais c'est bon à savoir, c'est justement. De quoi tu t'occupes toi exactement de... Moi, je m'occupe des alcools, des liqueurs, et c'est tout. D'accord, tu t'occupes des gens qui servent dans le bar et voilà. Oui, surtout de crier les gens qui boivent beaucoup. Hein. D'accord. Et les gens français. Hein. Pas beaucoup. Oui, je comprends bien. C'est vrai que tout est au bénéfice en plus de l'association Gay et tout, c'est ça qui est très important à savoir. Oui, oui. Donc pour ceux qui seraient tentés d'avoir un maximum de verres offerts, il faut comprendre que chaque verre acheté est quand même de l'argent donné à l'association et donc un argent solidaire. C'est quand même très important aussi à préciser. On parle de prix, on va parler un peu de l'organisation en général, de chacun votre rôle dans cette organisation de la fête. Les prix en général, alors on va commencer par le prix de la Noche Vieja. C'est la fête un peu... Bon, non. Les prix, si on achète avant... Donc dit, en pré-vente. Oui. Il coûte 30 euros. 30 euros. Et à l'entrée, s'il ne faut pas attendre à un dernier moment, mais sinon il coûte 35 euros. 35 euros à la porte. 35 euros quand même, c'est important. Au guichet, c'est ça. Tout en sachant que vous attendez beaucoup de monde. Si, donc ceux qui viennent au dernier moment ne sont pas certains de pouvoir y rentrer avant une queue de 2 ou 3 heures. Voilà, parfois 8 heures, allons-y, on fout. Non, Miseva, je n'exagère pas, l'année dernière, des Français sont venus au dernier moment en disant qu'ils ont attendu 3 heures devant la porte, effectivement. Donc c'est pour ça que l'appel est important de dire aux gens, surtout n'hésitez pas à vous ruer d'abord sur les préventes. Déjà pour vous c'est une assurance de réussir la soirée, et pour eux c'est l'assurance de pouvoir y rentrer, ce qui est quand même très très important. Si. Il faut contacter avec Eito, il faut aller chercher l'étiquette avant de la fête, avant d'être en train. Ouais, même les 31 matin, je crois, Manu, ils sont à vendre. Je crois l'association. Ouais, il faut aller sur la toile. Sur internet. Gay2.org. D'accord. Gay2.org, et vous allez trouver donc l'adresse pour vous rendre donc au local même de Gay2. On rappellera justement les coordonnées de Gay2 un petit peu plus tard pour savoir où se rendre à y acheter ça. Donc vous dites que jusqu'à la veille, on va dire jusqu'au 30, jusqu'à même 31 au matin, on peut venir acheter des places en prévente. Oui. 30 euros. Ça paraît un petit peu cher, mais qu'est-ce qu'il y a pour 30 euros? Oh, il y a beaucoup de choses. On va très bien passer. On commence à 1h30. Hein? 11h30. 1h30. Ah, là, 1h30. Bien sûr. D'accord, 1h30. Très bien. Voilà. Il faut les 12 racines. On prend les 12 racines. Oui. Ou bas racines, non? Les raisins, raisins, oui. Je comprenais pas. Alors là, on parle de tradition. Alors, de chez vous. On va voilà. Après, il faut prendre les pâtes de champagne, etc. Il faut arriver à peu près, un peu préparé à la fête. Alors, les ports sont ouverts à 1h30. D'accord, donc c'est qui permet aux gens d'aller se fêter la bonne année dans les bars de Donostia, de faire un petit peu la fête, de se voir. C'est vrai que nous, dans notre culture à nous, on va dans les fêtes à partir de 8h le soir pour la Noche Vieja, pour aller tous manger ensemble, boire des verres ensemble, et on passe la soirée au même endroit toute la nuit. Chez vous, c'est un petit peu différent. On fait d'abord la fête avec les amis, et on commence la grosse fête à 1h30, mais de toute façon, chez vous, la différence, c'est que nous, on arrête à 7h du matin, là où vous arrêtez à midi. Pas si tard. On ne peut pas. On n'a pas la permission. La fête va finir. Toujours finir à 8h du matin. 8h du matin. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'à 8h, la fête continue. La fête continue à la ville. Les gens restent jusqu'à 10h ou 11h. Ah, d'accord. Donc, et avec les 30 euros, donc 30 pas. Oui, je crois. J'ai l'impression que c'est du vécu. J'étais pas là l'année dernière, Manu. Voilà qu'on en parle. J'ai assez avec les bars. Et donc pour 30 euros, tu as l'entrée. Il y a une consommation. Il y a une consommation, bien sûr. D'accord. Et après, il y a quelques spectacles. D'accord. Aussi, deux, trois spectacles. Les gens de la jeunesse de Gaïtou, ils préparent. Donc, ce sont les membres, même les jeunes de Gaïtou. Hein. Oui, quelques surprises aussi. Il faut aller pour. Attends, qu'est-ce que tu vas nous faire Moi non. Hein? C'est une surprise. Si tu veux savoir, tu vas. D'accord. On ne peut pas dire. Ok. On essaie nous de savoir toujours un petit peu. Nico, on ne sait pas. Bah, c'est quelque chose ou non? Oui, il faut savoir aussi qu'il y a les garde-robes. Le vestiaire. Les vestiaires, oui, c'est vrai. Les loges. Oui, le vestiaire les artistes, il y a les loges parce que c'est un théâtre, mais pas pour le public. Le vestiaire est compris dans le prix d'entrée ou c'est non. en plus Non. Non, c'est quoi? C'est 2 euros 1 euro, un euro de plus. 30 euros aussi. Oh, c'est rien, c'est rien du tout. Normalement, il coûte 2 euros. Ouais, c'est ça, dans la discothèque. Donc 1 euro. Donc en gros, pour 31 euros, vous avez l'assurance de passer une excellente soirée, entouré de la communauté gay de Donostia et de tout. Il y a beaucoup de Français qui viennent. Qu'il y en a qui viennent jusque du nord des Landes pour venir jusqu'à Gaïtou. De Bordeaux aussi. Carrément, tant qu'à faire. à part Miseva qui s'en va à Paris pour. Je suis désolé, je serais bienvenu, mais. Très bien. Peut-être l'année prochaine. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, Mickaël. Est-ce que tu veux peut-être qu'on fasse un topo en basque un petit peu pour traduire ou Mais en plus, comme les invités, ils sont basques, peuvent eux-mêmes faire une petite traduction, un petit résumé de cette fête Gaïtou. Avec un grand sourire en plus. Avec un grand sourire, Andoni. C'est pour toi. Non, là, c'est... Bueno, pues... Euskara esango dizuet, pixkat, aurretik esandakoa, frantsesez. Festa, bueno, ordu bat aterritan hasiko da, abenduaren 31an, Gamuzarreko festa sari gera, goizeko ordu bat aterritan hasiko da, sarrerei buruz hitz egin dugu, 30 € dia, bezpera arte hartzen badia, erosten bali badia, elkartean bertan, bestela sarrera bertan, ez atzu itxoin, hori da, bestela 35 € ordaindu beharko dituzue. 30 € eta 35 bestela. Bueno, bestetik sarrerakin esan dugu, konsumizio bat ere badaukazuela, eta gero zenbait aktuazioa izango direla, sorpresak ere barrena izango dira. Eta bueno, besteik gabe esatea, gomendatzen zaituztegula etortzea, benetan festa zoragarri izaten delako, jendea prest dago gainean du pasatzeko, urteari hasiera egokia emateko. Bueno, eta ez dakiz gehiago, Manu, buratzen zaizu zerbait gehiago? Igual aipatzen alduzute urtean lau festa antolatzen dituzutela, horiek zein diren. Bai, ados. Bueno, lau festa antolatzen ditu urtean, hori da, abenduaren 31-koaz gain, egiten dugu inauteritan baitere, gehienetan otsailalde izaten dana, otsaila martxoa ziren inoiz izan da, baina inauterit festa ere oso galanta izaten dana, gero ekainaren 28-ko adalata, horre ere urduan egiten dugu gara hortan egiten dugu festa, 28 espada, inguru hortako horietako egun batean egiten dugu, eta gero zinemaldia, Donostiako zinemaldia, ezakik jakingo dut zuen entzuleok, irailan izaten da Donostiako zinemaldia, torren inguruan ere, hori dela eta baiten dugu baiterean festa bat egiten dugu, guk geuk, geituk bezala, sari bat banatzen baten degulako, Sebastien esaria, eta bueno, horren inguruan, edondorioz baiten dugu festa bat baitere zinemaldian. lau festa horiek dira urtean egiten dena. Gero inoiz egin dira baita ere egin izan da, ba beste festan bat o beste, ba lehen urtean bezala, ba aldizkariaren urte urrena zala, margarrena, uste dut, izan berrogeita margarren alea barkatu, berrogeita margarren alea salata, ba, azaroan egin genuen beste festa bat baitere, baina, bueno, gehien gehienetan urtero, ba, lau festa izaten dira bai. Ba, hori, ba, bai. La minute basque. Ba, mi, esker orduan itzulpen horrengatik gehituko kidei, festa ezberdinak antolatzen dituzu dutela, eta horretaz ari gera, luxu eta maitasun otxak. irubebikoitza@herriotsak.info Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Zortziak eta hogeita amabost, Herriotsak, Antxeta Irratiaren sintonian. Luxu eta maitasun. Otsak! J'étais en train de t'attendre, Oh, Miseva. Ça va, j'étais en train de chanter. Sans le fusil, tu peux y aller. Luxu et Zamaitashun. Otschkatk. Otschak. Voilà. Tout ça pour vous montrer qu'on a perdu Miseva au cours de l'émission. C'est terrible. On revient un petit peu sur les fêtes de Guitou, notamment sur la Noche Vieja. Andoni, tu voulais préciser deux salles, deux ambiances. Oui, il y a deux ambiances, oui. Effectivement, il y a une salle grande. Et une salle grande avec un grand, bar. Ça veut dire un bar aussi. Bon, il y a deux bars, il faut te dire. Et oui. Voilà. Et à la salle grande, qu'on a la possibilité de danser, la musique, la dernière. Voilà. Musique. Mais l'infirmière, peut-être. Non, mais l'infirmière, j'imagine, à l'autre salle. Oui, je vais préciser, oui. La grande salle, c'est pour écouter, pour danser la musique, on m'a dit, plus techno, plus house. Plus discothèque. Plus discothèque. Yeah. Voilà. Enfin, discothèque plus bataplan, pour ceux qui connaissent l'avantage bataplan. C'est ça, oui. Et l'autre salle, voilà. Et l'autre salle, c'est un peu plus petite, mais c'est mignon. Il y a une ambiance toujours très sympa. C'est mignon. C'est très mignon, oui. Et c'est très bien décoré. On travaille bien pour la décoration. Alors, et à la petite salle, on a la possibilité de danser la musique plus dance, plus pop, plus commercial, plus tchotchi, parfois on dit comme ça. Tchotchi. Tchotchi, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Tchotchi, ça veut dire, l'extrême de tchotchi, c'est Rafaela Carrà, si tu veux. Ricky Martin, un peu de mélange musique. Mais on écoutera Ricky Martin un peu plus tard d'ailleurs, tiens. Voilà, et alors c'est ça, voilà. Et aussi, je me suis laissé entendre dire que pendant les fêtes de Gay et tout, vous aviez, pour ceux par exemple, je rencontre quelqu'un, enfin moi non, Miss Eva rencontre quelqu'un, voilà. Quelqu'un dans la soirée, dans la petite soirée, salle, dans la petite salle ou dans la grande salle, peu importe. Est-ce qu'il y a des mini-salles d'ailleurs? Non, moi ma question c'est... est-ce qu'il y aura du matériel de prévention éventuellement, on ne sait jamais? C'est toujours, il y a. On parle français. Il y a une grande table avec toutes les infos de toutes les commissions de travail, des Gay Too, des associations avec lesquelles nous travaillons pendant toute l'année. Mm-hmm. Et on a toujours le capote, du gel, parfois de préservatifs féminins aussi. Donc on essaie de y avoir... tout ce qu'on a là au siège de Gay Too en permanence aussi. Donc préservatif masculin, féminin, gel, oui. Oui. Tout le tintamarre. On peut y aller, s'adonner sexuellement à tous les plaisirs. Ah oui, oui, oui, de toute façon. Ouais, et tout à fait. D'accord. Okay. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. La première fois que j'ai fait mon spectacle Gay Too, j'avais oublié mes lingettes démaquillantes. Donc je me suis démaquillée dans les toilettes du haut avec du savon. Et là, tout à coup, trois jeunes hommes rentrent dans les toilettes. Mais dans le même toilette. Et puis non, pas gêné, mais... quoi. J'étais en train de c'était me Harry maquiller. C'était Harry Potter qui se rendait à l'école de la magie. C'est ça. Voilà. Et donc ils sont ressortis quelques minutes après, style de rien, quoi. Voilà. Donc en gros, c'était très rigolo. Ce qui est important de savoir dans les fêtes de Gay Too, c'est que c'est la liberté, c'est que chacun s'amuse comme il l'entend, dans chacun son délire. Et ça, je pense que c'est important de le savoir. Donc on se donne rendez-vous le 31 décembre, 1er janvier. À 1h30 du matin, à partir d'une heure et demie du matin, à la salle Jareño, 30€ l'entrée, 1€ le vestiaire, une consommation avec, bien entendu, et la certitude de passer une bonne soirée. On a insisté, on va insister aussi avec l'entrée à la main. C'est toujours mieux, hein, pour avoir l'assurance d'entrer. Oui. Voilà. D'accord. N'hésitez pas, les préventes à Gay Too. On reviendra avec Rochane tout à l'heure sur l'association, sur les coordonnées de l'association, l'adresse du local, etc. En attendant, on va vous lire maintenant les mails de la semaine. Mickaël, c'est génial, on en a pour toi en plus. Oui. Vous avez été nombreux à nous écrire suite à notre émission qui traitait des questions autour du sida, avec des réflexions très diverses et parfois pas du tout en lien avec le sujet, comme ce mail de Lola qui nous dit « Mickaël n'est pas gay. Arrêtez de dire qu'il y a un mystère sur sa sexualité. En tant qu'ex-petite copine de Mickaël, je sais ce qu'il est et même ce qu'il a. » Ah. Mickaël, une réaction avant que j'appelle la dame pour demander ce que tu as. C'est qui écrivait? Alors, elle se Lola. Dit appeler Lola, mais Lola Maria. Ah, mais il va nous faire le coup de je ne connais pas Lola. Mais bien sûr. Je vais pas répondre. Ah. Mais okay, moi Lola. Personnellement, je voudrais réagir. Ma belle ou pas belle Lola, je ne sais pas comment tu es. Peu importe que tu sois une ex de Mickaël ou pas. Le fait est que beaucoup d'hommes peuvent avoir des relations hétéro avant de trouver l'amour auprès d'un autre homme. Certains se cachent un certain temps derrière des relations hétéro pour ne pas s'avouer gay, et parfois il y a même des homosexuels qui changent de bord pour épouser une femme, ou des femmes homosexuelles pour épouser un homme. Parce qu'au final, l'amour n'a pas de sexe, donc la polémique sur la sexualité de Mickaël continue. Mais par rapport à tout ce que tu viens de dire, il n'y a pas de polémique. Mais si, nous, la polémique, c'est de savoir, mais est-ce que tu es hétéro ou est-ce que tu l'es pas? Les filles nous envoient des tonnes de mails pour te dire que tu es hétérosexuel, et puis tu nous dis que peut-être pas. Je suis d'accord tout à fait avec ce que tu viens de dire. Donc, la polémique finit avec ce que tu viens de dire. Mais peut-être que je le suis, peut-être que je le suis pas, peut-être que je le suis parfois, peut-être que je suis un HSH. HSH, ah oui, qui sait, voilà. Oui, tout à fait. C'est bien, vous voyez comment Mickaël écoute les émissions, il a appris ce que c'était que HSH. Un autre mail de Alexandre, pompier à Saint-Jean-de-Luz. Oh non, pas celui-là. Je voudrais remercier Miss Eva de nous avoir rendu visite à la caserne le 15 novembre dernier. Oh putain. Nous avons passé une excellente soirée et même une excellente nuit. En tout cas, le barreau va s'en souvenir. Quelques précisions. Oui. Bon, le barreau, évidemment, bon, hein, pour ceux qui pensent que ça se. Qui ont des arrière-pensées du barreau. En fait, c'était le tu sais, la grande tige là pour descendre vite là pour aller dans les camions après. Tu sais, la grosse. Tu veux dire de la barre de descente. La barre de descente. Voilà. Et en fait, je restais coincé avec mes seins dessus. Ils se sont coincés. Et en fait, eh bien, vu que j'étais en mini-jupe, eh bien, en dessous, ils se sont bien rincé l'œil, quoi. Hein, ils ont vu. Et ça durait toute la nuit. Voilà, c'est ça. Et puis après, bon, je suis descendu, ils m'ont rattrapé. Et puis après, j'ai vu d'autres barreaux. Bon. Vous comprenez d'autres ce que lance c'est d'autres lances à incendie, quoi. D'autres lances à incendie. Très bien. C'était un petit peu rouillé. un dernier mail de Jérôme. J'ai 42 ans, je vis à Hendaye et je fréquente certains lieux de drague. Oui, je le connais. Oh, mais GG. J'ai honte de me rendre dans un centre de dépistage et je ne sais plus quoi faire car j'ai pris des risques récemment et j'ai très peur. Ah, c'était avec moi. Jérôme, quel que soit le risque que tu as pris, les centres de dépistage ne sont pas là pour te juger. Sache qu'aujourd'hui, les tests sont anonymes et il existe des endroits où tu peux faire un test de dépistage rapide, comme à Gaytou. Je vais te demander justement, Rocheane, donc maintenant, ça serait peut-être l'occasion de le faire effectivement un jour ici. Mais non, je vais te demander quelques précisions sur le test de dépistage rapide que vous faites, vous, à Gaytou. Quand est-ce qu'on peut le faire ? Quel moment, comment ça se passe ? Mais il faut avoir le rendez-vous par téléphone pour savoir, parce que c'est un peu compliqué pour nous de l'organisation, parce qu'il faut avoir toujours une personne qui est responsable médical avec nous, qui fait le counseling, l'accompagnement. Donc il faut prévoir des visites. Donc on remercie de nous prévenir par téléphone pour avoir le rendez-vous. C'est d'accord, sans avoir peur ou quoi que ce soit, ça reste anonyme quand même, c'est juste un rendez-vous. C'est anonyme, gratuit, confidentiel. Alors d'accord. On aimerait bien avoir le numéro. Le numéro de téléphone de Gaytou ? Oui, c'est le 00 34. Si on appelle de ce côté-ci. Après, c'est le 9 4 3 et 46 et 85 16. Très bien. Le site web ? Gaytou.org. Gaytou.org aussi, ça va être facile. L'adresse du local ? Et Colon 50, c'est juste à côté de la plage de Grosse. C'est la plage qui. À côté du Kursaal. À côté du café, c'est quand même. À côté. Café, attends, vas-y, répète, vas-y. À la plage, au côté des cafés ZM. ZM. Le café qui est au milieu de la place des Grosses. D'accord. La place des Grosses ? La place des Miss Eva. Oui, bien sûr. Place Miss Eva. Place Miss Eva, c'est place ça. Place Dani. De toute façon, ne vous inquiétez pas, lorsque vous êtes dans la rue qui est juste derrière le Kursaal, vous vous apercevrez d'où est le local, puisqu'il me semble, pour y être passé, qu'un grand drapeau gay flâne dans la rue. Hein. Ça a l'air d'être un beau local et quel bien beau mot, grand. Flâne. Flâne, oui, tout à fait. Oh, que c'est beau. Avant de se retrouver avec Miss Eva et son top 5 des mouettes, Mickaël, une petite musique. Bah, écoute, le chanteur préféré de Miss Eva, Ricky Martin. Ah oui, Ricky. Un pasito para adelante, Maria. Un pasito para atrás, dos, tres, un pasito para adelante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Opa! Yeah! María. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Irubebikoitza herriotsak.info. Un, deux, voilà, nous revoilà. Oh, une petite merdouille juste avant, oui. C'était formidable. Bravo, Mickaël. Nous t'aimons. Quel professionnel. Il est là, vous l'avez entendu, c'est le top 5 des mouettes de Miss Eva. Miss Eva, je te laisse la parole pour le ton top 5 des mouettes. Et oui, c'est à moi. Ah, c'est la petite intro des mouettes, hein, voilà. Alors, en cinquième place, une étude américaine propose de classer les villes des États... mais qu'est-ce que j'ai dit, là? De classer les villes des États-Unis selon la taille des pénis de leurs concitoyens gays. Comme si les touristes gays allaient se rendre là où il y a des grosses bites. Enfin, pour info quand même, c'est à la Nouvelle-Orléans. Hein. Voilà. En quatrième place, qui veut épouser mon fils? L'émission de télé-réalité propose de marier les fils homosexuels d'une femme. Il est mignon, sympa, bon, etc., etc. Mais il est au courant qu'en France, il pourra pas se marier? C'est vrai, c'est toute la, tout le côté ridicule de cette émission qui voilà. Veut marier un jeune homosexuel, sauf qu'en France, on ne peut pas se marier. Eh oui, donc c'est un peu cancan. La troisième place, Miss Eva. Un peu cancan. Alors, troisième place, la Hongrie se dote d'une nouvelle constitution. Celle-ci met une barrière sur la route du mariage gay. Donc en gros, si tu es gay et en couple, et que tu veux te marier, il faudra faire du 100 mètres haies. 100 mètres haies. Point d'exclamation. Ça semble le côté spontané, c'est extrêmement spontané. Voilà, c'est ça. En deuxième place, le mercure rend les oiseaux homo. Donc, c'est ce que j'ai dit, oui, c'est ça. Je pensais que c'était les mouettes, mais non, c'est les oiseaux. Bon, c'est pareil, en même temps, tu me diras. Donc, si je comprends bien, quand il fait froid, ils sont hétéros, et quand c'est la canicule, ils s'enculent. En première One place. Time, hein. One more time, s'il te plaît, en première voilà, place. En première place, Marine Le Pen. Oui. Pourquoi, Miss Eva? Ben, je sais pas, je l'aime pas. Parce qu'on peut applaudir sur ton point. Merci, merci. Le dernier top 5 des C'était mois assez rapide. C'était excellent. Il doit nous rester quoi? À peu près 4 ou 5 minutes, je oui, suppose. J'aimerais faire une petite dédicace à Terry et Dany qui nous écoutent depuis le début. Voilà. Ce sont des auditeurs ponctuels ponctuels ou réguliers? Et les deux. Ah, d'accord. Ponctuels et réguliers. Juste après le foot, hop, une petite émission de radio de PD. Et puis voilà. Quoi, c'est... Ils se cherchent encore, c'est pour ça. Comme moi alors. Hein, voilà, un petit peu comme Mickaël. On les invitera à la prochaine émission. Je crois qu'on vient d'avoir un petit indice supplémentaire qui Mickaël nous dit comme moi. Eh bien, Mickaël, merci beaucoup pour cette petite musique. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour de table. J'aimerais savoir ce que chacun d'entre vous avait demandé au Père Noël. Rien. Allez, Nico. C'est la question qui tue pour gagner 5 minutes. On demande tous quelque chose au Père Noël. Je sais pas. Que mes poings s'ouvrent pas. Que tes poings s'ouvrent pas. D'accord, donc on imagine que tu as des poings quelque part, on dirait pas où. Dans les cheveux. Dans les cheveux, d'accord. Okay. Pour les mauvaises langues, ils pensaient ailleurs. Manuel. Quoi? Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Un petit ours amoureux, peut-être, oui. Un petit ours amoureux. Mais tu l'as déjà. Explique. Explique au public, c'est moi l'ours. C'est mon surnom. Mais tu l'as déjà, donc il faut autre chose pour Noël. Un deuxième ours. Ce serait plus drôle et plus chaud pour l'hiver. En troisième, c'est pas. Merci. Pour avoir des rechanges partout. Ah, mais bravo. On a un à Saint-Sébastien et un à Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan, voilà. C'est un peu Soulan d'ailleurs. Andoni, pour toi. J'ai demandé la bonne santé, de la bonne santé. Je pense que c'est le principal. Sans santé, il n'y a rien. Alors, la bonne santé, oui. Rocheanne ? Étant donné que cela fait 30 ans du premier cas du sida et qui a été détecté, je demandais en avance médicale dans ce domaine-là. Très bien. Le public ? Le public en folie. Le public, il m'a demandé en fait... que tout le monde soit heureux ensemble et justement que tout le monde soit en fait voilà qui soit heureux ensemble voilà, non c'est un peu focus alors, Père Noël c'est plus personnel quoi oui la paix dans le monde et ouais, plus personnellement que ma chérie qui doit m'écouter là actuellement me garde toute la vie. Ça se demande un applaudissement, bravo. Attendez, je vais vomir dans quelques secondes. Mickaël, pour Noël. Moi, je demandais, vous savez un rasoir. On précise que je suis très barbu. Je vais demander un rasoir. Et je vais aussi demander que, comme vous savez, Anchieta Irrati a fait 10 années. Mais moi, je vais demander 10 années aussi pour Herri Otsak et entre autres pour Luchou et Tamaitasun Otsak. Mais je pense que c'est très, très, très louable. Moi, en tout cas... Au Père Noël, je lui demanderai qu'on soit aussi nombreux à chaque émission, que tout fonctionne très très bien. Je lui demanderai aussi que Sarkozy nous laisse nous marier en France pour que je puisse enfin demander mon Piguito en mariage aussi, n'est-ce pas? Allez, c'est comme ça qu'on se quitte. Oui, mais merci beaucoup et moi, personne sait ce que je veux pour Noël, alors allez chier, va. Qu'est-ce que tu veux? Pardon, excuse-moi. Une voiture, allez, dégage. Au revoir, merci beaucoup à tous les auditeurs et puis on vous écrira, hein, d'accord. Merci, hein. Voilà, on souhaite toute l'équipe de Louchouette à Maïta Chounotchak, vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouve donc maintenant le 10 janvier pour la première émission de Herri Otsak de l'année 2011. On se voit tous, donc bien entendu, le 31 décembre à la salle de Jareño, à Donostia. On va tous acheter nos places au local de Gaïtou avant le 31 décembre au matin, au prix de 30€. On se retrouve là-bas pour faire la fête. Merci à tous, bonne soirée et Mickaël, à très bientôt. Et ciao, bidou, bye. À bientôt. Agur, agur. Ya amar urte dauzka antxetak, onena nola ezopa. Fikobako gizatalde partetik Antxeta Irratiari zorionak eta aurrera segi. Eta eskerrak, gurekiko izan dezuen deferentziagatik eta, esan bezala, Ondarroiko pilotaren aldetikan zorionik beroenak. Mi esker Antxetari 10 urte hauetengatik, eman digun aukeragatik. Eta espero dezagun, aukera izatea beste hainbat eta hainbat eta hainbat urteetan elkar lanean egoteko. Antxeta Irratiari zorionak, emeki elkarteko emakume guztien izenean. Kaixo, Jose Milduaien naiz, Hondarribiko Arraun Elkarteko presidentea, eta hemendik Antxeta Irratiari zorionak eman, 10 urte ja bete ditulako, eta beste edo askoz gehiago betetzen ditun. Eta bukatu nahi dut ustea esaten, naizta ez den erreza mundu hau jasaten, segidezagun ola garena izaten, segidezagun ola garena izaten. Antxeta Irratiko kide guztien partetik, mil esker entzule eta antxeta zale guztiei ere. Da, zuei ere gure espazioa onda alaitzuaz betetzeagatik. Mira, esa cansada humanidad hundida quiere cambiar de vida. Ba, honekin emango diogu amaierari gaurko saioari. Bihar berriro ere herriotsak 8:00-tik 9:00 arte hemen Antxeta Irratiaren sintonian, beraz itxoiten zaituztegu. Agur. irubebikoitza@herriotsak.info Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko 8:00-tik 9:00 arte Antxeta Irratian.